L'actualité à Nancy et ailleurs. 25 ans, ça se fête encore plus quand on est une association qui fait la promotion de la chanson, comme les Baladins, et que l'on entrevoit enfin un retour à la normale dans le monde du spectacle sans jauge, sans masque. Serge Joseph, bonjour. Bonjour. Cet anniversaire, vous l'attendez avec impatience, j'imagine. Ah ben, ça fait un an qu'on l'attend, hein, puisque on devait le faire l'an dernier. Et puis bon, ben, crise sanitaire oblige, nous avons reporté donc à cette année. Le futur, c'est cet événement qui va commencer le 24 mars avec des rencontres en chanson, des concerts bien sûr. Qu'est-ce que vous nous avez concocté ? Eh bien, nous avons, comme d'habitude, quelques découvertes ou artistes régionaux. Donc on commence le jeudi soir par Anne-Lise Roche, qui est une jeune chanteuse qui était venue au Baladin il y a quelques années nous chanter Barbara. Et là, elle a ses propres chansons, ses propres compositions, ses propres histoires à nous conter. Elle a une très jolie voix et donc elle fera l'ouverture des 25 ans des Baladins, donc le jeudi 24 à 20h30 au Centre culturel Jean Charcot à Ludres. Tout va se passer à Ludres, qui est notre fief depuis de longues dates. Donc ça, ce sera pour le 24 avec une rencontre, effectivement, comme vous l'avez dit, avec Anne-Lise Roche. La suite, le lendemain à 20h30, toujours à Ludres, mais là, salle Jean Monnet. Alors, salle Jean Monnet, là, un concert avec trois artistes. Donc, il y aura Nico Étoile, Alexandre Castillon et Leila Huissoud. Alors là, c'est en partenariat, un petit peu, entre guillemets, avec Jarny, avec les lauréats de la nouvelle chanson qu'organise à Jarny Régis Cunin. Ces trois artistes seront le lendemain à Jarny et donc ils seront chez nous pour le même spectacle, la même soirée, sur la même scène, salle Jean Monnet à Lude, donc 20h30. Avec Leila Huissoud, qui commence à se faire connaître, hein, qui commence à avoir un nom dans le milieu de la chanson. Alexandre Castillon lui remplace un autre artiste qui devait venir, qui ne peut pas. Ça serait une vraie découverte. Et puis Nico Étoile aussi, que je ne connais pas beaucoup, mais qui sera aussi une découverte. Et pour aller encore plus loin, le samedi, hein, dès 16h, on aura une rencontre en chanson avec Muriel Dailleur. Voilà, Muriel Dailleur, qui est une Lorraine. Et qui était passé à Vendeuvre, je rencontre en chanson à Vendeuvre au mois de novembre, sera notre invité ce samedi à 16h au Centre culturel Jean Charcot, donc pour cette rencontre en chanson, effectivement. Et puis nous terminerons le soir par Eric Frasiac, en groupe cette fois-ci, puisqu'il est venu deux fois Baladin par le passé, mais en duo avec son guitariste Jean-Pierre Fara. Donc là, il y aura bien sûr Jean-Pierre Fara, mais aussi trois autres musiciens. Donc là, le groupe au complet. Voilà, à 20h30 à la salle Jean Monnet. Un régional de l'étape, hein, Frasia, qui est... Qui est un régional de l'étape, tout à fait, qui est de Bar-le-Duc, qui a commencé dans la chanson il y a bien longtemps. Voilà, qui lui aussi s'est fait un petit nom depuis quelques années, là, au niveau de la chanson. Donc on le voit dans de nombreux festivals, et ça marche très bien pour lui, tant mieux. En 25 ans, c'est presque 150 concerts, hein, depuis la création de l'association. Oui, peut-être un petit peu moins, parce qu'on est en moyenne, disons, à 5 concerts en moyenne par saison. Voilà. Et quel regard vous portez aujourd'hui sur la chanson française avec ces 25 ans de promotion de la chanson ? Bah, la chanson, il y a toujours deux volets de la chanson. La chanson de variété, on appelle de variété, qui est plus musicale, qui inonde souvent les médias. Et puis, il y a la chanson qui est toujours un petit peu en marge, quelque part, enfin plus ou moins, mais bon... La chanson d'auteur, qu'on appelle la chanson d'auteur, bon après, ou la chanson à texte, après, bon, les vocables varient. Et puis la frontière entre la chanson dite de variété et la chanson d'auteur, parfois elle n'est pas si nette, si tranchée nette. Oui. Mais voilà, on est toujours un petit peu dans cette dichotomie-là, parce que c'est vrai que la chanson, il y a beaucoup de jeunes artistes qu'on fait venir ici, mais qui ne sont pas connus et il n'y a pas de curiosité. Donc le public va souvent voir ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, ce qui passe souvent. Et voilà. Je trouve que le public manque de curiosité pour aller voir ce qui se passe un petit peu en marge. Donc on les invite bien sûr à venir au moins un concert les 24, 25 ou 26 mars pour découvrir cette diversité et des choses qu'ils ne connaîtraient pas. Ah ben bien sûr. Et on a créé un pass pour ceux qui veulent profiter de l'occasion pour venir passer le week-end après, ce week-end-là sur Nancy. Voilà, visiter un peu la ville. On a un pass pour les 4 spectacles à 50€ quand on est adhérent et 60 quand on n'est pas adhérent. Voilà. Voilà, donc ça reste accessible pour cette découverte. www.lesbaladins.fr pour trouver toutes les informations, des petites vidéos aussi pour découvrir les artistes un peu plus loin. J'avais encore une question au président que vous êtes depuis 25 ans. Le rôle que vous préférez en tant que président, est-ce que c'est la recherche de nouveaux talents ? Est-ce que c'est le jour du concert ou est-ce que c'est la rencontre qui va être provoquée entre les artistes et le public ? Ah bah, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est on va dire, bien sûr les concerts, mais il y a aussi la troisième mi-temps, c'est-à-dire qu'après les concerts, en général, quand on fait les concerts à Jean Monnet, on se retrouve autour d'une table, voilà, autour d'un repas, à la maison, et bon, là c'est toujours un moment d'échange, de franche rigolade aussi, voilà, c'était toujours un très bon moment. Ben, c'est surtout effectivement la rencontre avec les artistes qu'on a plaisir aussi, enfin que j'ai plaisir aussi à retrouver dans des festivals ou à droite à gauche, voilà. Donc c'est vraiment le plaisir de la rencontre, de discuter avec des gens voilà, qui ont souvent les mêmes valeurs. Voilà, c'est vraiment très sympathique. Et vous pensez déjà à la 26e saison ? Ben, on ne sait pas trop parce que le public diminue d'année en année. On a un petit noyau d'adhérents, mais voilà, il n'y a pas de renouveau et c'est compliqué. Alors oui, j'envisage quand même une prochaine année, enfin 2023, une programmation avec des rencontres essentiellement en chansons, peut-être encore un petit festival si ça marche bien cette année, on va voir, on réfléchit un petit peu à tout ça. Donc on vous souhaite vivement plein de réussite hein, pour ces 25 ans, les Merci 24, beaucoup. 25 et 26 mars. Merci beaucoup Serge Joseph. Merci à vous. Et toutes les infos, www.lesbaladins.fr. Merci encore. Voilà, et puis la billetterie sur billet web qu'on retrouve au travers le site. C'est noté. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.